que tu fais là? Je fais une chaîne pour attacher mon épinglette. Ton épinglette? Vraiment, ton épinglette? Épinglier de mon âme, diable! Elle est fanterie! La bouffe est entre le poème, il n'a jamais, jamais connu de moi. Si il ne t'aime, moi je t'aime. Avec quelle adresse elle me l'a lancée, cette fleur? Comme c'est fort! Monsieur le brigadier! Qu'est-ce que c'est? Michaela! C'est votre mère qui m'envoie. Parle-moi de ma mère! Thank you. chose seule à ça. Quel démon, quel péril, je ne comprends pas bien. Que veut dire cela? Rien, rien. Parlons de toi, la messagère, qui va retourner au pays. Oui, ce soir même, demain je vivrai. Tu la verras, eh bien, tu lui diras que son fils l'est bien vénère et qu'il se repent aujourd'hui. Il veut que là-bas sa mère soit contente de lui. Tout cela n'est-ce pas mignon de ma part, il lui. Maintenant, je vais lire sa lettre. J'attendrai, monsieur le brigadier. Continue à te bien conduire et tu te marieras avec celle qui te porte ma lettre. Il vaut mieux que je ne sois pas là. Attends un peu. Non, non, je reviendrai, j'aime mieux cela. Oui, ma mère, j'épouserai Michaela. Et quant à cette bohémienne avec ses fleurs qui en sorcellent... Là-dedans qui cause ce tapage. toutes ces femmes-là. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans? J'ai trouvé 300 femmes criant, hurlant. En face d'une femme blessée, j'ai vu Mademoiselle Carmen Sita qui serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon. Et la blessure de l'autre femme? Deux balafres à fleur de peau. Eh bien, la belle, avez-vous quelque chose à répondre? Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien. La la la la la la la, je brave tout le feu, le fer et le ciel même. Ce ne sont pas des chansons que je te demande, c'est une réponse. La la la la la la la la, mon secret je le garde et je le garde bien. La la la la la la la, j'en ai mal autre et meurt en disant que je l'aime. Ah, nous prenons sur ce temps-là. Ce qui est sûr, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu des coups de couteau et que c'est elle qui les a donnés. Voyez, vous n'allez pas moins faire un tour à la prison. Je vais écrire l'ordre, c'est vous qui la conduirez. Laisse-moi m'échapper. Tu le feras parce que tu m'aimes. Moi ? Eh oui, tu m'aimes, ne me dis pas non. Oh, je m'y connais. Tes regards. Et cette fleur que tu as gardée. Oh, tu peux l'acheter maintenant. Le charme a opéré. Ne me parle plus, tu entends ? Je te défends de parler. C'est très bien. Je ne parlerai plus. Et danser monde à millions. Oui, j'irai chez mon ami en fonction. Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parle pas. Je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu d'en penser. Je pense à certains officiers, je pense à certains officiers qui veulent, qui cabotent, oui, cabotent. Mon officier n'est pas un capitaine, pas même un lieutenant. Il n'est que brigadier, mais c'est assez pour une bohémienne. Et je daigne m'en contenter. Carmen, je suis comme un ami ivre. Si je cède, si je me livre, ta promesse. La tiendra, si je t'aime, Carmen, Carmen, tu m'aimes. Oui, Silas Bastien, nous nous serons, tu le promets, Carmen, du fond du Manzanillo, tu le promets. Si je t'aime, si je t'aime.